Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans le podcast de l'Alter Presse, nous allons recevoir des représentants paysans pour parler de la crise que traverse la paysannerie française et européenne actuellement, qu'on peut mesurer au nombre de manifestations, d'actions, de mobilisations multiples et variées. Et on a eu l'idée aussi d'inviter des militants de la cause environnementale, écologistes, pour avoir un échange, puisque la question de l'environnement, elle est quand même très présente dans toutes ces revendications paysannes, où d'un côté, il y a ceux qui veulent moins de normes et d'autres qui disent non, il faut des normes. Donc, il y a là un débat intéressant que nous souhaiterions engager à l'interface. Seul petit bémol, c'est que nous n'avons pas reçu l'assentiment de toutes les organisations paysannes. Donc, nous avions invité évidemment la grande et puissante FNSEA, qui n'a même pas répondu et avait peut-être autre chose à faire. Et d'autre part, la coordination rurale qui nous a répondu, qui nous enverrait bien un petit communiqué, mais c'était évidemment pas exactement ce que nous souhaitions. Alors, bon, comme la coordination rurale est une scission de la FNSEA, peut-être qu'un rapport avec les médias est un peu compliqué pour ces organisations, mais nous avons heureusement eu un avis favorable de la Confédération paysanne qui est ici présente avec Mathis Bourman, qui est un fromager dans la vallée de Guebwiller, et qui est donc représentant de la Confédération paysanne ici dans le Haut-Rhin. Et nous avons également la présence de Constant Schmitt, qui est maraîcher, lui plutôt installé dans le Bas-Rhin, donc personne évidemment n'est parfait, mais on est bien content d'avoir également cette activité-là qui soit représentée. Et puis du côté des écolos, comme on dit, on a Yann Fleury que tout le monde connaît, mais également Jeanne Haussel, qui est un des militants de la vallée de la Thur et qui pourront utilement et de la Dolère. Et donc voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu. Dommage que certains n'aient pas voulu venir, mais on est bien content de vous accueillir. Alors, ma première question, elle est toute simple. Ça s'adresse essentiellement à nos représentants de la paysannerie. Aujourd'hui, 2 février, les barrages sautent. Tout le monde rentre chez soi parce que le gouvernement a parlé et tout le monde est content. La crise est solutionnée. Est-ce qu'on se trompe? Oui. Baptiste. On a toujours encore des collègues qui sont actuellement à Bruxelles, au Parlement européen, en train de manifester. Et on a d'autres collègues qui sont dans d'autres régions, comme chaque conf régionale ont une certaine liberté et qui sont en train de bloquer les centrales d'achat, qui, elles, sont une des plaies de rémunération agricole. Donc, il y a encore du monde sur le terrain et qui milite pour que la réflexion continue et qu'elle s'arrête pas juste à ce qui s'est dit. La Confédération paysanne et je crois le MODEF, qui est un plus petit syndicat, n'ont pas appelé à lever des barrages, contrairement à la FNSEA et à la coordination rurale. Et au GIA. Et au GIA, vous avez raison de le rappeler. Constance, ça vous surprend ou cette division du monde agricole? Non, pour moi, ça me surprend absolument pas. On voit bien là, à ce point de vue-là, que la connivence qu'il peut y avoir entre la FNSEA, ce syndicat puissant qui est en lien direct avec les ministres de l'Agriculture et les décidants de ce pays, avec l'État même, quoi. On voit bien qu'ils sont en lien constant et qu'ils ont obtenu, là, la FNSEA, de leurs revendications un peu primaires, ce qui est l'abattement des normes. Donc là, c'est ce que Gabriel Attal a annoncé. qu'il arrêtait le plan éco-phyto, donc la surveillance sur les produits phytosanitaires jusqu'au salon de l'agriculture, et ça a suffi pour que en tout cas les dirigeants de la FNSEA appellent à lever les barrages. Je ne pense pas que ce soit l'avis forcément de tous les adhérents de la FNSEA qui ont participé à ces blocages. On leur demande de rentrer à la maison, d'aller ronger l'os qui est à la niche, quoi, mais on va se demander s'il reste encore un os à la niche, quoi. Donc je pense que beaucoup sont frustrés. La coordination rurale est un peu phagocytée par la FNSEA et un peu en lien avec la FNSEA, donc ils ont une position un peu difficile. Et je pense que pareil pour la coordination rurale, c'est difficile pour eux de lâcher ces blocages, quoi, parce que de toute façon rien n'est inscrit pour l'instant. Cette levée un peu cet appel de levée du plan éco-phyto n'est inscrit nulle part et on pourra pas faire un retour sur les normes environnementales qu'on a gagnées ces dernières années comme ça d'un claquement de doigts du gouvernement, ils peuvent quand même pas agir de la sorte aussi facilement. C'est juste pour pouvoir lever les blocages et débloquer Paris qu'ils ont demandé ça. Et alors, les dirigeants de la FNSEA ont demandé à ce que les militants bloquent les barrages, mais je pense que certainement en région, ils vont peut-être ronger leurs freins et qu'ils vont peut-être voire être appelé à rejoindre peut-être d'autres blocages qui vont être continués par d'autres paysans. Certainement que la Confédération paysanne, à ce moment-là, va peut-être récupérer des déçus des adhérents de la FNSEA, ou justement parce que apparemment les dirigeants de la FNSEA ont été copieusement sifflés quand ils sont venus sur certains points de barrage, quoi. Ils n'ont pas forcément été soutenus par leur base, et c'est bien ça le problème. C'est que la base de ce syndicat dit majoritaire, eh ben ne suit plus forcément aveuglément leurs dirigeants, parce qu'ils se rendent compte que leurs dirigeants aussi sont complètement mouillés dans cette agro-industrie qui les accable actuellement. Et Si on a bien lu les informations, il semblerait que sur la question du gasoil GNR, gasoil non GNR, routier. voilà, gasoil non routier, il y aurait eu un accord entre la FNSEA, les GIA et le gouvernement sur les mesures qui avaient été préconisées pour l'augmentation du GNR, ou je me trompe. Oui, alors après, pour l'instant, c'est quelque chose qui va bénéficier à tout agriculteur confondu qui va faire la demande, parce que c'est toujours des demandes, c'est pas vous commandez. Bon, maintenant, ils vont peut-être simplifier selon les dires, mais avant, vous commandez votre camion, remplissez votre citerne, et il faut penser à la fin ou à un moment donné de l'année à faire la demande de enlever les taxes et le remboursement. Et là, maintenant, ils vont le faire peut-être directement au camion, donc directement au fournisseur. Donc, ça simplifie aussi les choses. Ça évite de remplir des papiers bêtement, alors que le fournisseur pourrait très bien le faire. Après, ça peut bénéficier à tout le monde, parce que le souci pour l'instant, qu'on soit en bio, pas bio, petit ou grand, on a tous des machines au gasoil. Et que pour l'instant, l'État veut supprimer ces moteurs-là, mais il n'a rien proposé en échange. Il n'y a pas de recherche sur la traction animale, il n'y a pas de recherche sur développement d'autres énergies, il n'y a pas de recherche sur l'emploi en plus pour compenser. Du coup, c'est bien d'essayer d'enlever quelque chose, mais si on propose rien, et c'est un gros souci en agricole, hein, c'est le mal-être agricole est là, parce qu'il y a toujours des freins, mais pas beaucoup de vision pour des solutions. Sur les autres mesures, on a pu lire qu'il y avait des aides particulières à la viticulture. Alors, je sais que Constant connaît un peu aussi les questions de la viticulture. Est-ce que c'est 80 millions plus 150 millions, avoir lu, va permettre aux viticulteurs de gagner mieux, ou est-ce que ça aussi c'est des mesures qui sont plus des mesures REP, encore qu'il s'agit quand même de millions conséquents? Bah de nouveau, là, on voit bien que l'État est en lien avec les capitaux forts, et effectivement, bien sûr, le secteur de la viticulture représente des capitaux très importants au niveau national, quoi. Donc forcément, il faut caresser dans le sens du poil des viticulteurs. Dans ces primes qui ont été annoncées, beaucoup de primes ont été annoncées pour l'arrachage. Au final, là aussi, on voit bien que dans la viticulture, cette agro-industrie mène les viticulteurs au pied du mur. Et donc là, maintenant, on va les payer, on va payer les viticulteurs pour qu'ils puissent arracher leurs vignes. Donc, on voit bien qu'on a touché le fond aussi à ce niveau-là. Et ensuite, aider des viticulteurs qui, au final, est un secteur qui consomme énormément de pesticides. Bon, c'est à se poser des questions, mais en tout cas, j'imagine, enfin, c'est un clivage, en tout cas, entre filières qu'on n'a pas envie d'alimenter, quoi. Et Mathis, on parle des paysans, mais est-ce qu'on peut véritablement parler d'un monde homogène quand on dit la paysannerie ou les paysans, ou est-ce que les problèmes sont différents, ou quels sont ceux qui convergent, ou qu'est-ce qui est différent, et est-ce qu'on peut comparer un grand céréalier de la Beauce ou de la Brie avec un agriculteur de montagne, par exemple? Non, pas du tout. C'est la comparaison. Moi, j'aime bien l'utiliser. C'est comme chez un maraîcher qui fait plein de légumes différents. Ben, il y a plein de façons de faire, de différences culturelles ou de climat, de sol, d'envie de pratiquer aussi, parce que c'est des envies, hein. Il y en a qui se disent agriculteurs ou exploitants agricoles, parce que le mot paysan pour eux est péjoratif, alors qu'il devrait être beau. C'est celui-là qui crée le pays, c'est celui-là qui crée le paysage, c'est celui-là qui nourrit sa région. Moi, je me sens plus paysan qu'agriculteur. Souvent, la case, elle n'existe pas en bas des feuilles pour paysan, donc on la rajoute. Mais c'est très très varié, et en plus la politique, elle décide toujours, politique française ou globale de la France. Donc on va dire, voilà, la Beauce, ça va être le grenier à blé, l'Alsace, ça va être la production de maïs et de vignes, l'élevage dans le Limousin. C'est très très court comme décision, parce que dans le Limousin, ils ont aussi besoin de rajouter de légumes avec leur viande, et inversement. Et bon, chez nous, le maïs en Alsace, on ne mange que très très peu indirectement. Il y en a qui va dans une partie animale, il y en a pas une grosse partie aussi filière amidonnerie. Mais voilà, il y a besoin de rediversifier les régions, et de redonner ce plaisir de côtoyer et sentir sa terre, quoi. Souvent, c'est oublié, parce que maintenant, vous avez des machines qui sont tellement grandes que descendre de la machine, ça devient un peu compliqué. Si j'ai bien compris votre position en tant que confédération paysanne ou soulèvement de la terre, constant participe également, les mesures gouvernementales sont plus, d'après vous, de la communication pour essayer de gagner du temps que des solutions pérennes, ou du moins des solutions qui... Alors, mais quels sont exactement les problèmes que rencontrent aujourd'hui les paysans, parce qu'on voit que ça se passe en Allemagne, on voit que ça se passe en Hollande, en Italie, enfin bref, toute l'Europe est touchée. Et est-ce que, si ces mesures ne suffisent pas, on verra après si vous avez des propositions, mais pour vous aujourd'hui, pourquoi ce qui est proposé ne correspond pas? C'est peut-être parce que ça ne répond pas aux vrais problème que vous rencontrez. Le gros souci de l'Europe, et là on est tous d'accord, de tout agriculteur confondu, syndiqué ou non syndiqué, c'est que il y a une dame là-haut là, qui dirige, Van der Leyen, qui a fait une ouverture au libre-échange, qui, dans l'idée profonde, on peut se dire c'est très bien pour le consommateur et tout ça, faut descendre les prix, sauf que les autres pays n'ont pas de contraintes de qualité et tout comme ça, donc sur le terrain. Que ça soit, que vous soyez paysan bio ici ou en vente directe même, on est tous impactés, parce que on va nous obliger sur le terrain, qui n'est pas une mauvaise chose ici en Europe, des qualités et des tout doucement aller vers quelque chose un peu plus sain, hein. On a entendu juste avant par rapport aux normes sur les pesticides et les engrais, et de l'autre côté on va importer du bœuf aux hormones avec de l'OGM, je comme ça, qui peuvent rentrer facilement dans notre territoire. Donc c'est une concurrence. Voilà, c'est comme dans le monde de l'emploi où vous allez avoir les tomates du Maroc qui vont être payées à 2 ou 3 € de l'heure. Alors que ici, vous avez une charge salariale qui est plutôt entre vers les 14 € de l'heure. Donc voilà, le fils, on peut pas concurrencer. Donc un acheteur ou un grossiste ou tout autre, et ben d'office, il va aller vers le moins cher parce que pour lui, la marge, c'est la plus intéressante. Quand on est dans un système libéral, voire plus, on comprend bien la question que tu viens de poser entre les di différences de coûts, mais c'est quasiment insoluble. Ou alors, faut entièrement fermer les frontières et ça posera aussi des problèmes, par exemple, aux viticulteurs d'exporter leur production, puisque c'est assez important l'export, si j'ai bien compris. Et alors, évidemment, la question semble assez simple, c'est-à-dire, ou on ferme les frontières, ou on fait des compensations par des financements publics qui permettent d'équilibrer les coûts et les des par exemple, où on n'importe plus rien du Maroc, bon, ok, sauf que les produits seront plus chers et enfin, bref, il y a là une contradiction que les libéraux ne manquent jamais de vous présenter. Ce qu'on demande à la Confédération paysanne, c'est pas de bloquer totalement les frontières, c'est de dire, ok, tous les produits qui rentrent, par exemple, l'idée serait de garder l'Europe, mais l'Europe sociale, qui dit que voilà, à l'intérieur, on veut telle qualité, tel style de production, et ben que ce qui rentre est la même chose. C'est souvent, on est pointé par les antibio, on dit ouais, mais quand ça vient d'ailleurs, du coup, c'est pas la même bio, c'est pas vraiment bio. Ben, sur certains, sur le label, et ben, ils sont obligés quand même de vérifier. Mais que en face au global, c'est comme le bien-être animal, se fait beaucoup plus en bio qu'en conventionnel. Pourquoi le bien-être animal, il va être partout? C'est pareil, c'est un animal, ça reste un animal qui sort en bio, en agriculture classique. Voilà, qu'on dise, là, dans l'Europe, tout ce qui doit rentrer, enfin, si on a besoin de l'extérieur, c'est avec telle qualité. Les autres pays, s'ils veulent nous vendre des choses, c'est pareil. Et si nous, on veut exporter, ben, on a aussi des contraintes par rapport à leur pays. Mais si on a C'est envie de le pas un gros faire. mot de demander à ce qu'aux frontières européennes, il y ait des Des chartes de qualité. taxations, chartes de qualité. Si ça ne correspond pas, eh bien, ça a un coût. Alors, on ne les prend pas. C'est pas, en soi, c'est pas illibéral, ça. Et on Au pourrait être en sein plus même de l'Europe exemplaire. aussi, quoi. Au sein même de l'Europe aussi, par rapport aux pays, aux différents pays, quoi. Donc, il y a des différences, des disparités des fois entre l'agriculture française, l'agriculture ukrainienne ou espagnole ou. Yann, non, moi je suis passé. Je croyais que tu voulais dire un mot. Après, j'aimerais dire des mots. Ouais, il y aurait beaucoup à dire. Je suis plus sur le terrain politique. Il y avait plusieurs questions qui me taraudent. La fin du, enfin, dégager faire rentrer les paysans à la maison, la FNSEA, on a l'impression, enfin, en tout cas, à travers ce qu'on entend des médias mainstream, qu'on a l'impression que c'est plus qu'il n'y a pas grand-chose de gagné, mais que c'est plutôt idéologique. Si on se limite à retenir la question phytosanitaire, on voit donc bien, bon, ben, ils sont contents, ils rentrent. Ils peuvent continuer à polluer, quoi, à la FNSEA. Et pourquoi, et ces agriculteurs, ces exploitants agricoles, ces vignerons, parce que toutes ces spécificités ont bien sûr des appels différents, mais quand même, comment ils font, puisque la FNSEA, c'est un syndicat, donc un syndicat, et il y a des mandats, ces gens, ce sont des agriculteurs qui les votent, qui les élisent, comment ça se fait qu'ils élisent toujours les mêmes, et toujours les gros, et toujours les patrons? Alors ça, c'est une question. Donc, j'ai une autre question qui est aussi, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, hein, on est bien d'accord. Hein. Après, il y a une autre question, c'est sur l'alimentation bio ou sur l'alimentation conventionnelle, d'après les chiffres officiels, on importe les deux tiers de ce qu'on mange en France. Donc, Dans la, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de la division mondiale du travail sur l'alimentaire. Parce que tu disais tout à l'heure que, bon, en Alsace, on fait le maïs et le vin, et puis effectivement, on fait du lait en Normandie, etc., le vin rouge dans le sud. Oui, mais c'est aussi au niveau international. Ça veut dire que si on est incapable de dépasser ces deux tiers et d'augmenter la quantité, on va totalement à l'encontre, bien sûr, de ce que devrait être une culture vivrière, et où seule la Confédération paysanne défend un peu ce principe-là. Et les autres, non. Ça veut dire que tous ces agriculteurs, on n'arrive pas à les former pour qu'ils arrivent à comprendre que dans la culture vivrière, ils arriveront toujours mieux à s'en sortir qu'avec une division du travail agricole. Et comment vous voyez ça, vous, ici ? Alors, Mathis ou François, des deux ? Pour ta première question, pourquoi le monde agricole et les exploitants agricoles votent FNSEA? Ben, je pense que c'est souvent, c'est bêtement un peu culturel ou naturel parce que des parents ont voté pour ça. On sait que dans les campagnes, mais surtout dans nos campagnes alsaciennes, ben, on a quand même des votes qui sont plutôt orientés à droite. Et FNSEA représente un peu ce mouvement de droite capitaliste où on a grandi les fermes, devient de plus en plus grand, de plus en plus gros, fort. Et c'est souvent des belles promesses d'agrandissement. Bon, on voit bien que tout le monde n'arrive pas à suivre cet agrandissement à outrance. On a quand même un taux de suicide chez les agriculteurs qui est important. Et donc, voilà, je pense que c'est plus, ils votent sans trop se poser de questions. Et, c'est pour ça que la CR est née aussi, la coordination rurale est née, c'est que ils se rendent compte que la FNSEA ne répond pas à toutes les attentes des adhérents, enfin des paysans et des exploitants en région. Et après, bon, la Confédération paysanne a souvent été étiqueté un peu à gauche et un peu révolutionnaire et un peu militante, donc ça attire pas forcément tous les agriculteurs, et sur des agriculteurs qui sont plus des fois aussi en vente directe et tout, d'avoir un positionnement politique, c'est pas forcément facile à assumer, c'est pas évident forcément à assumer vis-à-vis de sa clientèle, c'est pas forcément évident à assumer vis-à-vis de ses confrères du village, quoi. Donc c'est un peu tout ça qui fait. Mais bon, je pense que, comme dit, on est en train de vivre une crise aussi. La FNSEA est une crise de représentativité. Exactement, ouais. Exactement, parce que la FNSEA, on le considère comme un syndicat puissant parce qu'ils ont encore beaucoup de votes et ils ont du coup beaucoup de subventions. Ils ont beaucoup d'argent pour faire tourner leur syndicat, alors que dans leurs réunions, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de représentants motivés à travailler. Il y en a plus que dans les réunions du collectif de la Confédération paysanne. C'est juste que, par contre, eux ont énormément de salariés grâce à leurs subventions. La FNSEA, par exemple, pour un chiffre, par an, la FNSEA dépense 800 000 euros de lobbying. Ils dépensent 800 000 euros pour embaucher des personnes pour les représenter dans les différentes instances. Alors que la Confédération paysanne se veut être seule représentante de leurs revendications et sont eux-mêmes les représentants de ce qu'ils ont envie de représenter dans les réunions et dans les différentes organisations. Donc là, déjà, on voit une différence importante. Mais je pense, comme dit, on est en train de vivre une crise où même les adhérents de la FNSEA se rendent compte qu'au final, leurs représentants ne leur ressemblent pas. Quand on voit le président actuel de la FNSEA, on se rend bien compte qu'avec ces 15 sociétés différentes, ces 700 hectares de terres en exploitation... Qu'il exploite lui-même ? Qu'il a avec plusieurs entreprises, c'est souvent ça. Au final, c'est que les gars, ils ont des quantités, des centaines d'hectares en propre, mais ils exploitent encore avec des compagnies d'exploitation. Ils ont plusieurs méthaniseurs, ils ont plusieurs méga-bassines, ils ont tout ça. C'était Avril. Industriel, quoi, des prestations de services, de machinisme. Avril, c'est plus qu'une prestation de service. Ouais, c'est bien. Ah non, c'est un groupe agro-industriel. C'est pas le Sieur qui fait partie. C'est le Sieur. Ce que je voulais rajouter, j'ai vu que leurs salaires sont au-dessus de 10 000 euros, tu vois, donc forcément la base de leurs adhérents se rendent compte qu'ils sont plus très bien représentés et que leurs intérêts ne sont pas forcément, et que le modèle qu'on leur a imposé, qu'on leur a emmené à produire arrive droit dans le mur, en gros, quoi. Et donc prendre le problème de leur point de vue, c'est pas le bon point de vue, parce que eux, leur point de vue, c'est de se dire que dans les autres pays, ils ont le droit de polluer, ils ont le droit d'avoir une production intensive, ils ont le droit aux OGM. Ça, il va falloir peut-être parler aussi à un moment des OGM, parce que les OGM reviennent sur notre pays. La Commission européenne vient de signer l'accord pour les nouveaux OGM, les NGT, quoi. Donc, ils reviennent avec ça, et toujours avec cette promesse d'une production d'une production massive où tout ira bien avec des produits révolutionnaires. Et au final, on se rend compte que l'environnement prend un coup et que même leur modèle, eh ben, au final, n'est pas rentable, quoi. Il nourrit pas la planète. Il nourrit pas la planète et il nourrit pas eux-mêmes non plus, quoi. Là, la moitié des exploitations en France agricoles, eh ben, ne sont plus rentables à l'hectare, quoi. Ils sont à moins 16 euros par rapport à l'hectare, alors qu'ils étaient encore à 300 euros il y a quelques années. Depuis 2010, ils sont négatifs sur leurs revenus à l'hectare. Ce n'est que la politique agricole commune, les aides données par l'Europe pour avoir un maintien de la production en Europe quand même, pour ne pas être totalement dépendant du Brésil et des autres marchés, et ben c'est ces subventions-là qui nourrissent les agriculteurs et enfin les exploitants agricoles. Heureusement, la Confédération des paysannes s'est battue pour essayer de rediriger ces aides de la PAC vers les petits agriculteurs, comme par exemple Mathis en a parlé l'autre jour à notre rassemblement, avec les aides à l'actif plutôt que les aides à l'hectare. Si la Confédération des paysannes ne s'était pas battue pour avoir des aides à l'hectare en dessous de 52 hectares, eh ben les petites exploitations galéreraient encore un peu plus. Elles ont du mal, elles sont pas assez aidées. C'est que les grosses exploitations qui sont aidées, c'est celles qui possèdent de plus en plus d'hectares. Donc au final, la compétitivité entre agriculteurs du monde entier, elle est bien en place. Mais la compétitivité entre agriculteurs au sein même des filières, au sein même du village, eh ben elle est féroce, quoi. C'est une course à l'hectare et à l'agrandissement constant, quoi. Donc, vous nous confirmez que les aides européennes ne sont plus données à l'hectare? Ah, si, toujours encore. Mais l'idée de la CONF, c'est, la Confédération Paysanne, c'est d'arriver à faire à ce que y ait une aide à l'actif. Du coup, ça motiverait beaucoup plus à installer des paysans. Parce que, plus qu'il y a de monde, plus on toucherait d'aide. Donc, c'est une carotte pour installer des paysans. Et de plus, ce ne sera pas une concurrence de terrain entre agriculteurs. Ça veut dire que là, actuellement, dans le monde agricole, ça se bouffe un peu entre nous. Hein, parce que comme la vie est compliquée à vivre avec ses produits, ben, il faut aller chercher à coup de prime. Et ça, c'est un des gros soucis. Ça veut dire qu'au lieu de se lier vraiment, de se tenir les coudes ou de vivre pleinement avec quelque chose, avec une belle idée de la terre, ben non, on va plutôt aller dans le productivisme et dans la course à l'hectare. Et du coup, c'est malsain. Et actuellement, même une grosse partie de la PAC part, par exemple, chez Soudial ou chez des riches millionnaires qui sont français, espagnols, à l'époque anglais aussi. Maintenant, l'Angleterre est partie, donc ça fait un peu plus dans l'enveloppe. Mais c'est quand même les plus gros bénéficiaires. C'est quand même des gens où on se demande pourquoi ils ont besoin de la PAC et qu'est-ce qu'ils font dans le monde agricole. C'est des sociétés de transformation ou de distribution? Bah, Sodial, c'est une grosse société de transformation laitière. Mais elle n'est pas dans la production, elle est dans la collecte. Et après, quand vous avez le prince de Monaco qui touche des aides, je sais plus si c'est la reine ou la princesse d'Espagne qui touchait aussi pas mal. C'est pour tous les hectares sur la principauté de Monaco qui sont cultivés. Le prince de Monaco, on en a ici en Alsace, hein, il y a des terres en Alsace qui partent en prime à Monaco. Donc, où est la logique aussi, quoi. Et du coup, ça permet, d'ailleurs, la FNSEA et le ministère de l'Agriculture, hein, parce que le ministère va souvent demander conseil aux grands pompes, pas aux cotisants, mais aux grands pompes de la FNSEA, des idées ou des conseils sur la politique agricole. Et ben, ils ont voté l'année dernière, au mois de mai, c'était le mois de mai, que maintenant, avec 5% de part dans une société agricole, on est actif agricole. Ça veut dire que je pense que même maintenant des groupes type méthaniseurs, s'ils achètent des terres à eux, Et ben, comme c'est des méthaniseurs agricoles, ben, si le gars il est un investisseur, il a 5% dedans, ben, c'est bon, il peut toucher des aides. Donc là, il y a aussi un gros souci là-dessus. Et après, pour revenir à la question d'avant, c'était aussi à la FNSEA, il y a un gros souci, c'est qu'ils récoltent beaucoup d'argent, donc beaucoup de salariés, donc c'est très bien, mais ils avancent très fortement là-dessus. Mais par exemple, aujourd'hui, en Alsace, vous aurez beaucoup de mal à trouver autre chose que la CAC, la coopérative céréalière, ou des coopératives de ramassage de lait. Et ben, en dessous, sur la facture, ben, vous avez toujours une part qui est prise, enfin pas toujours, mais selon les silos ou selon les laiteries, où il y a une partie cotisation syndicale dessus. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas d'autre choix, parce qu'il n'y a personne d'autre qui vous collecte le lait, ben vous êtes en train de fournir. Alors, soit il faut bien râler pour dire, bon, je ne suis pas d'accord que les sous aillent dans ce syndicat-là. C'est possible. Enfin, j'espère. Parce que moi, je ne livre pas le lait, je le transforme. Mais ça veut aussi dire qu'à chaque laiterie, à chaque emprise sur un territoire, ben, tous les produits qui sont ramassés, ben, du coup, il y a une part qui va aller dans une caisse et qui part à la défense de l'agriculture globale, qui est un type d'agriculture. Et là, il y a aussi un souci, ça veut dire que. Et l'autre souci, c'est que qu'est-ce que le bureau, la plupart des chambres d'agriculture ont à juste à côté le bureau de la FNSEA. Alors, soit on met tout le monde ensemble, dans les côte à côte, sur le même étage, ou soit on enlève tout le monde et une chambre d'agriculture reste une chambre d'agriculture et pas une chambre syndicale. C'est le cas. Mais oui, mais dans beaucoup. Yann Flory avec Anne, je vois trépigner depuis un moment du monde. Est-ce que Bah, les. trépigné, oui, trépigné, oui. Enfin, moi, j'aurais trois thèmes à aborder avec les représentants du monde agricole. C'est un, pour faire court, le bien-être humain passe aussi par un air de qualité, une eau potable et une alimentation saine. Or, aujourd'hui, l'air qu'on respire, pas terrible, l'eau qu'on boit, de moins en moins bonne, et les aliments qu'on mange, de moins en moins de qualité. L'agriculture est une des activités humaines qui participe aussi à cette dégradation de ces éléments vitaux. Vous en conviendrez peut-être ou pas, vous me direz tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le premier thème. Ensuite, il y a un thème qui me gêne beaucoup, c'est le gaspillage. Le gaspillage alimentaire, moi ça me sidère. Aujourd'hui, il y a des chiffres effarants. Je disais qu'en France, c'est 10 milliards de gaspillage alimentaire par an, 16 milliards d'euros par an et 10 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés, autant à la production qu'à la transformation, qu'à la consommation. C'est énorme. Ça veut dire qu'au fond, on produit trop et puisqu'on est obligé de jeter la différence. Ça, déjà, c'est un thème que je ne comprends pas, que vous m'expliquerez peut-être. Enfin, il y a un gros sujet, ben, c'est la qualité de l'eau. Ça, connaissant mon implication dans une décharge souterraine qui risque de polluer notre eau, vous comprendrez que ça me préoccupe, ça devrait préoccuper tous les citoyens consommateurs. Je vous donne juste un chiffre. L'APRONA, qui est l'Agence pour la protection de la nappe phréatique, a examiné durant ces dernières années 201 points de captage, donc d'eau, et la majorité sont impropres à la consommation. Et 50% de ces 201 points sont pollués par des pesticides. Donc c'est énorme, quoi. Et 50%, c'est dingue, quoi. On est au-dessus des normes de potabilité de l'eau, qui, je vous le rappelle, c'est de 0,1 microgramme par litre pour qu'elle soit potable. Elle n'est donc pas tout à fait propre, mais on tolère ça. Aujourd'hui, on dépasse ces normes. C'est inquiétant pour notre santé. Et le troisième thème, c'est le réchauffement climatique, parce que là, franchement, c'est un truc, on ne l'aborde presque pas. Or, à mon avis, autant on pourrait réagir sur tout ce que vous venez d'expliquer, on peut changer les choses, on peut changer les normes, on peut changer les façons de produire, mais le changement climatique nous tombe dessus et on a l'impression que on évacue ça trop vite. Vous parliez des viticulteurs dans le sud, ils souffrent essentiellement de la sécheresse et du manque d'eau. Donc, c'est quelque chose qui. Que je trouve, vous, syndicats, et notamment les déclarations de notre Premier ministre, n'a pas du tout pris à bras-le-corps et dans cette. Comment dire? C'est énorme ce qui nous arrive, quoi. Alors là, je voudrais aussi avoir un peu votre avis là-dessus. Alors, Matisse, ben voilà. Moi, pour ma part agricole, donc je veux déjà dire que chaque citoyen pollue naturellement. Hein, vous arrêtez au bord de route, vous faites un pipi à un endroit d'office, vous allez créer un trop-plein d'azote ou un moment ou d'urée à un endroit donné. Mais après, oui, l'agriculture a son impact aussi, mais tout ce qu'on achète de nos jours a une création de pollution, et c'est comment on la gère, parce que juste le mettre sur le dos des paysans, c'est difficile, parce que vous pouvez polluer avec un fumier juste, ou avec un mauvais travail du sol, hein, sans utiliser de produits chimiques. Donc ça peut aller très très vite. Après, c'est l'accompagnement, plutôt aller accompagner plutôt que taper dessus. Pour moi, c'est assez important parce que on voit bien que si on bouscule quelqu'un, eh ben, il va se renfermer sur lui-même et du coup, il va pas aller vers ce qu'on aimerait. C'est si on l'accompagne, on va dire voilà, on peut essayer de trouver des solutions et c'est pour ça qu'il y a un avenir politique qui doit s'occuper de l'agriculture. Voilà, l'agriculture ou les syndicats par eux-mêmes ne sont pas assez puissants pour le faire. Il faut toujours une solution. C'est pour ça que la PAC pourrait être l'outil pour faire ça, si elle le fait correctement et avec surtout une logique. Parce que le problème, c'est qu'il y a des incohérences totales. Ils vont vous dire de faire ça d'un côté et de l'autre, il y a une autre aide pour autre chose complètement délirant. Donc aussi rajouter de nouveau une logique dans les papiers et dans les normes. Et pour l'eau, c'est sûr qu'il faudrait retravailler ben justement la polyculture élevage, par exemple, rediversifier les paysages parce que c'est une des bases. Parce que d'office, vous allez faire des rotations, vous allez avoir ben, du coup de l'arboriculture proche du champ de céréales, vous allez recréer des liens, recréer des racines qui vont durer sur plusieurs années. Alors qu'actuellement, on a par exemple, on le voit bien dans notre plaine d'Alsace, du maïs. Alors grâce, malheureusement, selon certains, ben, avec la crise d'Omel, ben, il fallait faire une rotation. C'est pas plus mal, ça a appris à certains de ressortir des outils qu'ils n'avaient plus sortis depuis l'âge du grand-père. Donc on voit bien que même le climat revient à la charge pour qu'on change des modes d'agricole. Mais pour l'instant, il y a des logiques qui sont complètement aberrantes. Moi, j'ai un collègue qui fait du maïs et qui ne fait pas de culture intermédiaire parce que selon la hauteur de la canne qu'il laisse dans le champ, bah, c'est considéré comme une culture intermédiaire pour tenir le champ. Mais le maïs, il est mort, donc il n'y a plus de vitalité qui se rajoute et tout. Et lui, il a le droit, parce que c'est la norme. Et moi, j'étais moi-même surpris, j'étais là, mais c'est quoi ce délire? On donne pratiquement une aide là-dessus, alors que pour moi, c'est juste que tu n'as pas retourné ton champ ou tu n'as pas mis autre chose. Voilà, c'est pas correct. Et là, c'est justement sur des choses illogiques comme ça qu'il faudrait que la politique avance, quoi. Parce que, bah oui, il est dans les droits. Donc pourquoi il irait faire plus? Pourquoi il irait jeter des semences? Constant, tu veux dire? Ouais, bah, je veux dire à peu près les mêmes choses que Mathis. Et pour te répondre, Yann, je pense que des points que tu as soulignés, le bien-être humain, le gaspillage alimentaire, la pollution de l'eau, le réchauffement climatique, et tout ça, on peut l'imputer à cette agro-industrie qui a poussé l'agriculteur à être totalement dépendant des intrants et du marché. Donc c'est quand même vraiment cette agro-industrie qui rend malheureux non seulement l'agriculteur, mais qui rend malheureux aussi tout l'environnement autour. Il faut bien se dire qu'en ce moment, les agriculteurs, ils ont carrément des réunions de crise pour essayer de trouver des solutions contre l'agribashing, quoi, parce qu'ils se font bâcher constamment. Donc il y a un mal-être qui est autant agricole qui est dans la profession que bien sûr que les consommateurs. J'aime beaucoup quand Mathis il dit qu'il faudrait pas taper sur qui que ce soit au final, quoi. C'est ce qu'on fait nous sur les vendataires. On n'a jamais dénoncé un agriculteur ou un exploitant agricole pour sa personne, pour ce qu'il est, mais plutôt pour le système qu'il entretient. Donc c'est toujours le système qui est le gros problème à tout ça. Et effectivement, on peut pas demander forcément à un exploitant qui est dans une filière hyper intégrée d'élevage d'un coup d'avoir la présence d'esprit de bifurquer, d'aller sur un autre type de culture, c'est pas évident. Et comme non plus, on peut pas demander forcément à quelqu'un qui est à l'aide alimentaire de consommer l'aco du jour au lendemain bio et local. Il n'a pas forcément les moyens. Donc, c'est vraiment un système tout entier qu'il faut dénoncer. Et c'est, là, on va arriver sur les solutions, sur ces solutions. Je pense que le mouvement des soulèvements de la terre, pour l'instant, on voit en 2 ans et demi ou 3 ans d'existence qu'on a, on a trouvé des solutions pour dénoncer, en tout cas. On a mis au jour cette association de malfaiteurs qu'il y a entre l'État et, les, et l'agro-industrie, quoi. Donc, c'est, une des solutions, c'est de continuer ces liens avec, avec les syndicats paysans, avec les avec les associations écologistes, et avec toute cette jeunesse révoltée et inquiète pour la suite des choses, si on garde ce lien, parce que en ayant la Confédération paysanne et des syndicats paysans dans ce genre de mouvement, eh ben, on sort de la problématique citoyen contre les agriculteurs. Ce n'est pas du tout les citoyens qui sont contre les agriculteurs, c'est les citoyens qui sont contre les les pratiques agricoles qui sont insufflées dans les écoles d'agriculture au final. On incite par les aides, on l'a dit, par les aides PAC, mais même déjà dès le lycée agricole, on vous incite à aller dans ces modes dans ces filières-là qui arrangent tout le monde au niveau des agro-business, qui arrangent les banques. Le fait de s'endetter à outrance, eh ben, ça les arrange bien. D'être complètement dépendant de leurs produits, d'être dépendant de leurs semences, eh ben, ça les arrange bien aussi. C'est tout un, pour beaucoup d'agriculteurs et d'exploitants, je pense qu'ils se rendent compte qu'à la fin, quand on voit le chiffre d'affaires qu'ils dégagent, eh ben, ils ont nourri beaucoup de personnes. Ils ont nourri les semenciers, ils ont nourri les vendeurs de produits, les vendeurs de machines, ils ont nourri le banquier. Et quand enfin, eh ben, il faut se payer soi-même, eh ben, ils ont plus que les aides. Il reste plus grand chose. Donc, il n'y a plus que les aides pour vers qui se tourner. Tu parlais, Yannel, du gaspillage alimentaire, et ben, c'est de nouveau cette agro-industrie, au final, qui alimente ce trop-plein. Et ce trop-plein, il faut bien qu'on se le dise, ce trop-plein part dans l'aide alimentaire. Au final, c'est 10 millions de Français et Françaises qui sont obligés de faire appel à l'aide alimentaire. Ce n'est qu'un recyclage de l'excédent agricole de cette agro-industrie. Heureusement, limite qu'il y a l'aide alimentaire pour recycler encore plus, parce que sinon on gaspillerait encore plus. Alors que toi, t'as pas de micro. Oui, alors il faut. Ouais. Juste encore, mais alors quand je dis gaspillage, c'est pas redistribution dans les banques alimentaires, c'est vraiment du gaspillage. Et pour ça, ils ont inventé le mécanisme. Ouais, c'est, voilà. Donc, alors, on pourrait en parler aussi, mais ça nous mène exactement. Ils produisent plus de 11 tonnes de déchets par an, sont obligés de les revaloriser alors, par un. Question juste, parce qu'à une époque, j'avais lu que le budget de la PAC avait une ligne qui s'appelait budget pour non mise sur le marché, qui était en fait qui correspondait à tout ce qu'on produisait entre eux, qu'on devait jeter. Donc on indemnisait les agriculteurs. C'est le cas des choux-fleurs qu'on déversait longtemps en Bretagne parce qu'on en avait trop, qu'on arrosait de mazout. Et donc l'Europe payait cet excédent qui était jeté. C'était une aberration. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais enfin bon, moi il y a un sujet pratique et concret, c'est les zones de non-traitement. Quand tu dis c'est vrai qu'on est tous des pollueurs. L'État a instauré les zones de non-traitement pour protéger les habitations des traitements justement aux pesticides. Or, ces zones de non-traitement ne sont pas, déjà, elles sont trop courtes, et elles ne sont pas respectées. Et notre Premier ministre veut les supprimer. Il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. J'en reviens au bien-être. Moi, j'habite en bordure de champs. Le paysan cultive en limite de clôture. Donc, il m'arrive d'avoir des granulés d'engrais dans mon jardin. Sûr que mon gazon est superbe, mais le reste, je ne vois pas ce qui arrive. Voilà, ça c'est des choses qui... Alors, c'est des trucs que moi, je ne comprends pas, quoi. Vous voulez réagir encore là-dessus? Parce qu'on a... Il nous reste 5 minutes pour boucler. Mmh. Oui, ça passe vite, hein. Ouais. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je voudrais juste rebondir sur la question du gaspillage. Il y a quand même quelque chose de complètement aberrant. Quand on sait que d'un côté, socialement, il y a aujourd'hui des gens qui ne mangent pas leur faim dans notre pays, qu'il y a même des fortes de famine parfois dans certains, et d'un autre côté, on parle de gaspillage. La problématique, elle n'est peut-être pas que agricole quand même dans cette. Quand vous touchez à l'agroalimentaire, est-ce qu'on touche pas à un système économique qui marche sur la tête, comme dirait l'autre? Cette question du libre-échange, par exemple. Moi, je veux aussi réagir qu'il faut surtout pas oublier l'agriculture, elle fait partie d'un climat. On travaille, c'est quand même le seul métier qui est hyper influencé par le climat. Donc, en vigne ou n'importe quelle production, vous allez avoir d'office quelque chose où en début de saison, vous n'allez pas savoir combien vous allez rentrer en fin de saison. Quoi. C'est à peu près, mais pas sûr. Et quelle qualité ? Parce qu'actuellement, vous avez des normes de qualité à rentrer dans des trucs de céréales. Moi, je retiens juste, par exemple, la première fois où la Crimée a été attaquée. Et les Français construisaient un bateau militaire pour les Russes qu'ils refusaient de livrer. Les Russes, ils ont juste dit à un moment donné, OK, on ne vous livre pas le blé que vous avez commandé parce que votre blé, il n'était pas de assez haute qualité, donc il vous en manquait. La France a livré le bateau pour avoir le blé pour faire la baguette française. Il y a eu cette pression-là. Hein. Ça, c'est le problème du monde très, très ouvert. C'est qu'il y en a un qui m'a fait une pression d'un côté et de l'autre. Et pour aussi le gaspillage, actuellement, quand vous êtes producteur, par exemple en pain, nous, on le fait que sous commande. Mais quand vous êtes un boulanger dans une ville, il suffit qu'il y ait une manifestation ou, je sais pas, un nouveau film qui vient de sortir, les gens ils vont aller plus à un autre endroit et tout, et vous savez pas combien vous allez en vendre. Donc, il y a toujours mettre un peu plus dans la vitrine. Et il faut qu'une vitrine, pour qu'elle soit alléchante, d'office, il faut en mettre un peu plus. Parce que la dernière baguette, souvent, quand vous avez déjà fait de la vente, le dernier produit qui reste dans la vitrine, vous n'arrivez jamais à le vendre. Parce que les gens, ils se disent, c'est étrange, mais c'est l'humain qui fait ça. Et après, pour les gens qui meurent de faim dans notre région très riche en production, il n'y a pas longtemps, Carrefour vient de se faire taper sur les doigts par des journalistes, Carrefour Sud-Ouest, il me semble, là-bas, où en fait, ils avaient atteint leur quantité donnée pour à la banque alimentaire. Et du coup, c'était bon. Tout ça, c'était défiscalisé. Comme c'est défiscalisé, c'était bon. Ils ont fait le quota et après le reste, ils l'ont mis à la benne. Donc eux, on voit que socialement, ça les intéresse pas de fournir aux pauvres parce que les pauvres viennent acheter chez eux. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est vite dit, mais c'est un peu comme ça. Et du coup, nous, à la Confédération Paysanne, on soutient une grande démarche citoyenne qui est en cours, entre autres, c'est la sécurité sociale alimentaire, que je laisse à chaque personne qui écoute le podcast d'aller chercher sur Internet, parce que c'est très riche et que c'est très vaste comme sujet. Maintenant, c'est très amendé. Vous en allez trouver dans toutes les régions quasiment de France des groupes de travail là-dessus et qui seraient très intéressants justement pour contrer ces grosses firmes qui essayent de défiscaliser sur le dos justement des personnes nécessiteuses de produits alimentaires. Très bien. Je crois qu'on a fait la meilleure. Enfin, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur cette problématique. Mais on va, si vous en étiez d'accord, on pourrait prendre un rendez-vous prochain. On verra avec plaisir quelque chose pour qu'on rediscute. Et je trouve que cette confrontation entre ce militant écologiste et monde agricole est, à mon avis, fondamentale. Parce que si le monde agricole reste dans l'entre-soi et si le monde reste associatif reste dans l'entre-soi, on n'avancera jamais. Et au moins là, on a pu montrer qu'il y avait plus de convergence que de divergence avec les deux approches, et qu'on peut être paysan en étant aussi attaché à sa terre, à son environnement, à son air et à ce qu'on mange. Merci et à très bientôt. Merci à vous.